إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات جي توفيق ورمبي عز وجل جي سنو درس توحيد بني أمل جي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بيويسو نيجي أندونك بروم تيربي مدون واني كي سار ووغا خمني موي سورة الإسراء تدوغو خمني سنو بروم تبارك وتعالى تدونكوفا ليدي بوكالي té mu nek lo xamni sunu borom dako daldi téré mu jital ko waye kadhalika tuddat ko ci mujjentelu sarwa lolou di woné térék bokalé mom ni mu nekké lo xamni dafa répété wu ci alquran kon lolou daf lay jox né bokale danger la lu graw la motax akuk terem ci alquran nek lo xamne lu répété wu la waw mu nek lo xamne lu répété wu la waw lego lek day nek téré directement waye lego lek mu nek woné la dalon bokale kat ya légoleg mu nek woné li xaar bokalé kat yi ëlëk kon yoyé yépp ci ay lan ci ay wëlbeuti ma ngok manam ay waxin yu wuté ngir kitim alquran diko jang mu mën di bayyi xel toñu reuy wowé bakkar bu dangereux bobé té muy bokalé bokalé nak waxon nañ la ni moy nga wutal borom bi tabaarak wa ta'ala ko koy dendatlé ko koy tololé ci mbir yi nga xamni borom bi tabaarak wa ta'ala rek ko jago mo xam ci li borom bi tabaarak wa ta'ala di jëf mo xam ci mbir yi nga xamni momelu borom bi tabaarak wa ta'ala la manam mbir yi nga xamni yalla rek mo koy def yalla rek ko mom ma ngok lolé nga dogal ci mindeef ni mindeef mom nako wala mindeef man nako comme ni ngeen koy déggé borom na am mu am kan moy borom na am mu am innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun borom kun fayakun moy kan moy yalla kun fayakun moy na am mu am kun fayakun arab la na am mu am wolof la gis nga magok mais gis nga tay ñing ko banaliser ci biir société bi banaliser bobu nak liko waral moy wax kat yi magok wax kat yoyu nak ñom ñoy les griots sataniques waxkati iblis yi ma ngok iblis dafa graw ma ngok xam nga tégal na nit ñi musique ba nit ñi bëgg musique mais djublu wayam du pour nga déglu musique dé gis nga comme ni nga japp quoi damay déglu musique pour fexal sama xol damay déglu musique pour dindi stress non théâtre yi football yi jeux yi folklore bi nga gis ni showbiz bi nga gis ni nga yaakaar Iblis daf ko indi pour sa xol bég ah Iblis xam na ni sa stress li ko mën a dindi sa xat-xat xol sa jafeñ-jafeñ dund sa diisaayu xol sa njàqare lenn képp moo ko mën a dindi muy alquran ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub waaw xanaa du ci tudd yàlla ci la xol yi di dale liy apaiser cœur yi mooy dhikr tudd yàlla jàng alquran Iblis xam na loolu léegi nag moom souvent ay piège am dafay nekk piège yoo xamante ni nii une pierre plusieurs coups une pierre plusieurs coups waaw escalier lay dem ak yow mu indi la musique une manière de combiner les sons d' une manière agréable à l' oreille yooyu yëpp naxaate kese la jubluwaayam du pour nga yem ci déglu musique de jubluwaayam du li nga foog da ngay déglu musique pour sa stress dañ da ngay seetaan théâtre pour sa stress dañ da ngay seetaan match bi pour kii non jubluwaayam du wóolu de gis nga bi mu tegee loolu dafa recruter ay nit ñooñu di confectionner di concocter des paroles sataniques des poésies sataniques des vers sataniques ñu koy dugal ci biir musique bi comme nit ñi toll nañ foo xamante ni nii rythme bi ak son bi mandé nañ ci duñu prêter attention bu bari ci parole yi gis nga ba ngoog bu ko defee parole yooyu day dem directement ci seen subconscience boo koy woy sax doo ko tey borom naa am mu am boo koy woy sax doo ko tey daa bay doo ko tey Iblis dafay teg ay piège yu graw noonu la defoon ak nitu Nuh ya de génération en génération gis nga mu jële leen ci fàttaliku seen mag ñu baax ñi yóbbu leen ci bokkaale ba yàlla yónni Nuh ne ko demal tere leen bokkaale gis nga ma ngoog mi ngi jaar ak yow ci musique mais objectif am mooy lan mu yóbbu la ci bokkaale ngay wax bokkaale di ko woy ci musique bi mu lay neex ngay kontaan di savourer bokkaale nga koy savourer tu te rends compte ngay fecc di danser au rythme ci rythme lan rythme bokkaale gis nga borom na am mu am borom na taw mu taw ngay fecc rythme boobu rythme bokkaale borom jaan yi ngay fecc rythme boobu ci danse ci rythme bokkaale moo tax bu gars yi ñëwee fi naan musique pour fexeel xool la c' est à dire des fois sax moom je me dis que dañuy insulter borom xel yi te duñ ko yëg c' est que ñoom ceux qui se prennent pour des artistes dañu yaakaar ne ñi jàng muusuñu quoi ñoom ñoo muus pourquoi parce que ñoom ñi ngi recevoir révélation Iblis donc ils se prennent pour des éveillés. Est ce que gis nga Iblis moo mel noonu dalay jay dalay jay ngay concocter ay vers di rimer di teg mu defal la ci ñaar yoo xam ni c' est satanique ma ngoog soxlawul ngay dem di adhérer ci benn loge soxlawu ko pour nga nekk un satanique soxlawul ngay adhérer ci benn loge ma ngoog souvent des fois gars yi sax dañuy xaabaabal ci affaire franc-maçonnerie affaire yu dem soxlawu ko am na ñoo xam ne ñu ngi ci directement mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci indirectement te bu ngeen xoolee tey actuellement franc-maçonnerie mais Iblis da leen di jox ay technique yu graw xam nga tey franc-maçonnerie si lan lañ toll am na benn gisin buñ gis ne et puis c' est une réalité xamb yi fi nekk pratique occulte yi nga xam ne ñi ngi koy defee ci biir kër yi ñi ngi koy defee ci biir kër yi ci biir kër yi, liggéeyante bi ci biir kër gi nag, njabarante bi ci biir kër gi, njabarante bi ci placeu liggéeyukaay bi, c'est maçonnique, c'est maçonnique. Da ngay dégg ku taxaw naan non franc-maçon yi dañoo bon, te pourtant moom njabar na, def na sorcellerie contre ki muy liggéeyal, contre membre famille, contre keneen ak keneen, mu dem yóbbu kooku ci njabarkat ñu liggéey ko, xërëm ko, ba pare mu naan day xas franc-maçon yi. Ah, kooku c' est un maçon, seulement dafa adhéré wul ci benn loge rek. C'est un maçon, parce que li muy def c' est de la franc-maçonnerie. Donc franc-maçon yi période bi lan la ñuy wax? Li ñuy wax mooy ils se sont rendu compte que ni pratique païenne yu bari ak yi nga xam ne ak ceddo la mi ngi sévir ba léegi, te gis nañ ne loolu ak ñoom seeni pratique benn la, benn la. Ñu ne kon Afrique mën nañ fi proliférer, mën nañ fi prospérer en ouvrant cette porte là, jaar ci la culture, ce qu'on appelle la culture. Gis nga xam nga, bu ko defee à travers ça dinañ mën a aspirer jeune yu bëri, xëcc leen ma ngoog. Bu ko defee franc-maçonnerie gën a am doole en Afrique. Est ce que gis nga ma ngoog? Donc mbir yi mi ngi noonu, gis nga ko, mbir yi mi ngi noonu. Xool leen njabar gi léegi sax fi mu toll dafa jéggi dayoo, da ngay gis ku taxaw ci média yi. Est ce que gis nga ku taxaw ci média yi ñu jox ko ay micro, samp ko caméra muy wax, di génne ay xarfu xuubam, gàddu ay pettaawam ak yu xonqam ak ay deru seggam ak yu kenn xamul, naan lii la fi maam bàyyi woon. C' est de la franc-maçonnerie. Bul yaakaar ne franc-maçon mooy ku nekk ci benn loge kese, non. Même su nekkee inscrire si benn loge, adhéré woo ci benn loge, ñu bëri ñi ngi def pratique yi nga xam ne mooy pratique franc-maçonnerie. Allahul musta'an. Donc il faut faire très attention si mbir yi appellation yi ñu leen di jox, si mbir yi la ñuy teg, programme yi ñuy teg, domaine bu mën a nekk, surtout nag domaine boo xam dafa laal ay plaisir, ay loisir, théâtre, film, football, musique, ainsi de suite. Mais dafa doy borom xel rek les milliards ah yu ñuy sotti foofu. Pourquoi? Est ce que caaxaan moo mën a defar repère réew? Un jour de football ñu ne dañ koy fay ay milliards, un médecin ñu ne dañ koy fay quelques pièces de monnaie nga xam ni balaa fin du mois day leb pour mën a joxe dépense am. Loolu c' est raisonnable, c' est raisonnable. Un policier ñu jox ko un maigre salaire, un jour ñu jox ko. C' est de la franc-maçonnerie. Mais nit ñi da mais les gens doivent, nit ñi dañuy nelaw, ñoo dem di supporter fële, di supporter le programme maçonnique. C' est ça le problème, nga dem di supporter un programme maçonnique. Après jóg naan non man franc-maçon du ma jiite, du nekk seen président. Yow kii bégal sa xol, ci ban programme la nekk? Il est dans un programme maçonnique. Du ne nga sof stressé looy def, da ngay déglu musique, wala da ngay seetaan football, wala da ngay seetaan théâtre, wala da ngay seetaan film bi. Mais ñooñu lan lañ? Ñooñu ñan ñoo leen di fay? Ñan ñoo leen fi teg? Ah, dans le football qu' est ce qu' il y a de rentable? Ah, que produit le football? Ah, que produit le football? Le médecin, c' est un acteur social, il s'occupe de la santé des gens, il soigne. L'enseignant, il enseigne, il fait entrer dans ta tête des connaissances. Mais que fait le football? Ce gars qui tape sur ce ballon là, qu'est ce qu'il fait? Qu'est ce qu'il produit? Mais moom nga gën a jox sax valeur que ki lay jàngal yàlla nee na, yonant bi nee na, ki lay jàngal say faratay jëmm. Football bal bi nga gën a jox valeur, bu football bi wooree nga bàyyi jàngalkat bi fële, dem xooli footballkat bi fudugal bi mi ngi ci programme iblis mi ngi ci programme lan programme maçonnique après ñu jog ñoñu ñoy jog ñu né dañuy xex franc-maçonnerie ah yeen ñi gëna touti ci pyramide maçonnique bi ñoo leen di manipuler ngeen bëgg xex les ponkal ah Allah musaan wa ilayhi tuklan wala hawla wala quwwata illa billah donc mbir yaangi non gis nga kon bokale fi muy jaar ce processus là gis nga comme une machine bo xamanteni ni bouton bi activer mbir yi iblis mo koy beuss c'est tout un programme tout un panoplie de programme buñ la tégal wa budul fi di fé et tout est maçonnique dans ce programme mango gis nga wax yaangi non wallahu almusta'an bu ko defé kon bokale mi ngi non woutal borom bi tabarak wa taala ndend ci momoylam ak ay jëfëm waye ci liñ ko wara defal ñun muy jaamu biñ ko wara jaamu waye aussi woutal ko ndend ak morom ci ay turam ak melokanam ben bo ci def ci tabbi nga ci bokale gor gi mu ne wa fil hadith sahih أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه mune rotna ci hadith bu wer bukhari ak muslim genné ko ñu laaj yonent bi alayhi salatu wa salam ban bakkar moy bakkar bi gëna reuy mune bakkar bi gëna reuy moy nga wutal yalla ndend te fekk mom kesse moy ki la bind kok ngay jeyma tolale ak yalla kok ngay jël li yalla mom di ko ko jox nan moko mom mom mom borom jami moy borom jami mom mom xawma lan ak lan te fekk lolu momelu yalla la gis nga koku ngay jël jël jëfu yalla yi di ko ko jox nan mom moy tawal ak mom moy borom kun fayeku nak nangam ok koku ngay jël jël li nit ñi li jami wara defal yalla nga ko koy defal jébal ko sa bop aduna ak alakhira yaakar ko aduna ak alakhira diko ñaan yaangi deg diko toroxlul wakirlu ci mom di wat ci mom gis nga ko mango koke nga jël jël turu yalla yi diko ko wowe jël melokanu yalla yi diko ko melal bindula koku bindula gis nga kon kan moy ki la bind sa borom moy ki la bind koku bind la nak mom kep mo yeyo nga jamu mom kep mo yeyo nga jamu keneen yeyo ko gis nga ko mango kenon yewul ak jaamu gis nga jaamu yalla momelu yalla du respect bu ñuy jox doomu adama jox ko doomu adama manque de respect la d'abord ci yalla ensuite ci doomu adama est ce que gis nga mango bo ñewon fekk ben agent municipal nan ko monsieur le président de la république wala lolou bu ko président de la république yegge da nan mais ki respecté wuma mais agent municipal bi ci bopam sax dina la mais seigne bi yow respecté wuma parce que yow dang ma bëgga jey man agent simple agent municipal ga nan ma président de la république gis nga wallahu musta'an donc hadith bobu hadith bu mag la biñu laaje yonnata alayhi salatu wassalam ban bakkar moy bakkar bi gëna reuy mune moy bokale nga wutal yalla ndend ci ben ci yi nga xamanteni ni ay jagom la ci ben rek ci yi nga xamni jagle borom bi tabaarak wa ta'ala nga defal ko ci ndend te fekk yalla moy ki la bind mango ki la bind ndax koku nuro nak ki nga xamni bindula est ce que gis nga ki nga xamni mo la bind ndax koku yam nak ki nga xamni bindula wallahu almusta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.